permettre de dans la maison. Avec ma... Là, c'est une énergie que j'essaie de vous donner à votre esprit pour ouvrir toujours le mental. Comme, tu vois tout ce qu'ils nous disent, là. Nous, on est tout ici, hein. Mais, OK, bon, physiquement, là, on voit parce qu'on a bien l'esprit, tout ça. Ce qu'ils disent, là, hein, c'est qu'on était mental, reste racine, on va tout. Parce que c'est un droit, ça, hein. Ils sont obligés, parce que moi, ça, c'est mon esprit, mais ça, c'est bien. Ils sont obligés de demander, parce que c'était tellement mental. Mais par les siècles passés, ils ont tellement endormi mon savoir. Que là, nous, étant donné que ma source, ma racine, était d'expérimenter ce que j'ai voulu, bien, ils sont obligés de demander à ma source qui est en moi. Je le sais, j'ai le savoir. Puis ça, ils sont obligés. Je lui avais dit à cause de ça, j'étais assez obligée que c'est dans cette vie-ci. J'ai correct, je me suis dit, attends, pas pour ici. Mais pas dans les siècles et des siècles, j'ai bien dépassé les siècles. C'est de suite, cette vie-ci. Parce que moi, il y a des années, je me disais, je pensais de capoter. Je disais, tu plais ça. 5 minutes. J'ai qu'est-ce qu'il y a là, après ça? Qu'est-ce qu'il faut faire là, pour pouvoir s'incarner? Mais tu vois, moi, ils sont obligés de m'emmener. Parce qu'ils sont obligés de m'emmener à toi qui t'es avec le titre qui est dans l'absolu. Là, tu vois, je vis assez lentement. Ben, les gros 40 chacun. Parce que lui, il n'accepte pas. Il dit, tu vas mourir, comme il dit. Ils sont obligés, c'est mon. C'est, quand tu parles du droit, ça, c'est mon droit, c'est mon droit. Puis je vais l'avoir. Même si je ne suis pas d'accord. Je suis mort. Je suis mort. Surtout d'accord. C'est parce qu'il me tire la pipe. Tu peux pas savoir quelque chose et pas le savoir. Tu peux pas savoir quelque chose et pas le savoir. Voilà. Oui. Qu'il existe dans le coma, c'est le cosmos des pré-personnalités. Des pré-personnalités, c'est des fragments de l'âme dedans. C'est des fragments de l'âme de l'âme, et les fragments de l'âme de l'âme doivent être réunis. Et quand les fragments de l'âme de l'âme sont réunis, à ce moment-là, la dualité, tu sais, c'est toujours eux autres. C'est un, ça, Jésus, l'homme et un Dieu. Dieu est un. Non. L'âme de l'homme. Moi, vous en parlez de l'âme. Je ne vais pas commencer à expliquer ça. J'en parle des petits bouts parce que j'ai trop d'affaires. Ça va, je vois souvent le volant des conversations. Mais, mélangez-moi. Je vais faire un peu de temps.